Le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la fondation du journal Sonyeon Shinmun a eu lieu le 4 mai au Palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, secrétaire du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres de l'Union de la jeunesse et les fonctionnaires, journalistes, rédacteurs de la maison d'édition de la jeunesse Kumsong et les membres de l'organisation des enfants. L'orateur a dit que le président Kim Il-sung a fait fonder le 5 mai de l'an 35 du Juche 1946, Sonyeon Shinmun, précisé en détail à chaque époque et à chaque étape du développement de la révolution, le principe, l'orientation et le contenu de la rédaction du journal, et conduit énergiquement pour que le journal s'acquitte de sa mission et de sa tâche. Il a ajouté que le général Kim Jong-il a visité le 22 mai 1954 la maison d'édition et donné les instructions de programme pour améliorer le niveau politique et la qualité du Sonyeon Shinmun, ainsi que la rédaction et la publication du journal. Il a souligné que grâce au maréchal Kim Jong-un, Sonyeon Shinmun développé sous la direction éminente des grands leaders marque une page nouvelle de développement dans la formation des enfants révolutionnaires et avant-gardistes fidèles à l'époque du Sonyeon.